deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit UTC auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/German. Für Empfangsberichte, Fragen und Anregungen schreiben Sie bitte an folgende Adresse: KBS World Radio, German Service, Seoul, Korea. Oder schicken Sie eine E-Mail an german@kbs.co.kr. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion. Chers amis francophones, amoureux du frère du matin clair, vous qui écoutez en ce moment KBS World Radio, vous êtes sur la bonne station. Actualité politique, économique et culturelle, initiation au Hangul, découverte gastronomique et bien d'autres choses encore, nous allons satisfaire tous les curieux, alors laissez-vous guider et bonne écoute à tous. Merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mardi 21 février. Au 6 admissions en médecine, l'action collective des médecins résidents se poursuit. Washington salue tout contrat diplomatique avec Pyongyang. Imagine Your Korea atteint le million d'abonnés. Restez à l'écoute, vous êtes en compagnie de Ouyang. Le gouvernement a décidé de punir sévèrement les principaux acteurs de l'action collective des médecins résidents. C'est ce qu'ont annoncé cet après-midi le ministère de la Justice, celui de l'Intérieur et de la Sécurité, ainsi que le parquet et la police. Les meneurs du mouvement seront alors placés en interrogatoire. Les médecins qui refusent de reprendre leur travail ou empêchent les consultations ou le retour de leurs collègues au travail se verront recevoir une punition. Cependant, pour ceux qui ont participé à l'action collective mais qui retournent à l'hôpital, les autorités prendront en considération leur situation lors de la prise de décision. Au cas où l'action collective porterait atteinte réellement à la vie et à la santé des patients, le gouvernement accusera les participants au mouvement, les responsables des établissements médicaux qui ont manqué à leur devoir, en ne réussissant pas à empêcher un tel mouvement, feront eux aussi l'objet d'une condamnation juridique. Selon le ministère de la Santé, à compter de mardi 20 heures, plus de 8800 médecins résidents dans une centaine d'hôpitaux du pays ont donné leur lettre de démission. 63%, à savoir 7813 auteurs, ont enlevé leur blouse. Le président de la République s'est entretenu hier par téléphone avec le président allemand et la première ministre danoise pour expliquer les raisons de l'ajournement de ses visites d'État. En effet, Jonathan Neal voulait se concentrer sur les affaires nationales. Frank Reuters-Meyer a répondu qu'il comprenait bien la situation. Il a fait part de son souhait d'organiser à nouveau une visite d'État à un moment adéquat. Matt Fredrickson a déclaré aussi que le numéro 1 sud-coréen serait toujours le bienvenu. Et dans son pays, le bureau présidentiel de Yongsan a fait savoir que malgré ce changement de calendrier, Séoul et Berlin avaient publié lundi un avis conjoint sur la cybersécurité pour répondre aux attaques nord-coréennes en ligne. Quant à Yoon et Fredrickson, ils ont vérifié que les deux nations avaient coopéré étroitement en tant que partenaires stratégiques blanc et vert. Washington reste prudent face au message de Kim Yo-jong sur une possibilité d'amélioration des relations Pyongyang et Tokyo. Sa porte-parole adjointe du département d'État a réitéré lors d'un briefing tenu mardi que les États-Unis soutenaient deux contacts diplomatiques avec le régime de Kim Jong-un. Selon elle, ils contacteront eux aussi le Royaume-Uni si ce dernier le souhaite. Sabrina Singh a ensuite fait savoir que Washington désire toujours que la région se stabilise, avant d'ajouter que les dialogues qui permettraient d'atteindre cet objectif sont les bienvenus. Pour rappel, la puissante sœur de l'infort de Pyongyang avait évoqué le 15 février la possibilité que la Corée du Nord et le Japon se rapprochent un jour. Et nous vous le disions hier dans ce journal, le président russe Vladimir Poutine a offert une voiture à son homologue nord-coréen Kim Jong-un. La marque de l'automobile a été dévoilée, le Kremlin a annoncé qu'il s'agissait d'une russe. Pourquoi ce choix? Selon le palais présidentiel russe, c'est parce que Kim Jong-un avait apprécié le véhicule du numéro 1 de la Russie. En effet, ce dernier l'avait fait monter dedans lors de leur sommet bilatéral tenu en septembre 2023. Séoul a aussitôt dénoncé ce présent. Pour le gouvernement sud-coréen, il s'agit d'une violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et pour refermer ce chapitre, les exportations de véhicules d'occasion sud-coréens ont atteint un nouveau record de 4,9 milliards de dollars en 2023. C'est un bond de 57,4% sur un an. C'est ce qu'a fait savoir ce matin le ministère des PME et des start-up. Selon ce dernier, les automobiles sont passées du 9e au 2e rang dans le classement des produits les plus exportés par les PME du pays du matin clair depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine. Le Kyrgyzstan a été le premier importateur des voitures Made in Korea l'an dernier. Il a consacré 990 millions de dollars à ses achats. Il s'agit d'une hausse de 315% glissement annuel. Cependant, certaines sociétés sont soupçonnées d'essayer d'exporter leurs produits vers la Russie, soumise à des sanctions internationales. Séoul a donc décidé de renforcer le contrôle sur les exportations. Rappelons qu'il interdit depuis avril dernier d'expédier les véhicules d'une valeur de moins de 50 000 dollars vers la Russie et la Biélorussie. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie et le service des douanes surveillent actuellement les détournements des exportations vers la Russie si un exportateur automobile vend ses produits en sachant que leur destination finale sera les consommateurs russes. Il fera l'objet d'une condamnation. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. La chaîne YouTube de l'Office national du tourisme de la Corée du Sud, la KTU, a passé la barre du million d'abonnés. Ouverte en juin 2011, Imagine Your Korea, qui compte 789 contenus, va ainsi obtenir un bouton d'or. Notons que la KTU est le seul Office national du tourisme au monde à recevoir cette distinction. Cette dernière ambitionne de diffuser davantage d'images remplies de charme du pays du matin clair dans les quatre coins du monde. Nous recevons à présent Tiffaine Genestier pour notre chapitre sportif. Le joueur du Paris Saint-Germain, Higuain, a présenté mardi ses excuses à l'attaquant de Tottenham, Son Heung-min, en personne à Londres. Leur conflit remonte à la veille du match face à la Jordanie dans le cadre de la Coupe d'Asie. Le Parisien aurait quitté rapidement la Réunion pour aller faire des parties de tennis de table avec d'autres coéquipiers. Cette attitude aurait déplu au capitaine de l'équipe sud-coréenne. Une altercation avait alors éclaté entre eux. Son s'est même déboîté un doigt dans cette bagarre. Il a alors posté un message d'excuses sur son compte Instagram. Il a écrit qu'il s'était comporté ce jour-là d'une manière dont il n'aurait pas dû, avant d'ajouter qu'il lui manquait de respect auprès des autres membres de l'équipe et qu'il serait plus attentionné avec eux. Son a accepté de son côté de le pardonner. La Fédération coréenne de football peut enfin se concentrer sur la nomination d'un nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Et pour terminer, l'athlète sud-coréen Oh Sang-hyuk a remporté mardi l'épreuve de saut en hauteur au championnat du monde d'athlétisme en salle 2024. Il se déroule en République tchèque. En saisissant à la première place après avoir franchi la barre des 2,25 m, le jeune sportif a réussi à sauter 2,30 m à sa troisième tentative. Pour améliorer son record, il a encore placé la barre à 2,34 m, mais après deux échecs consécutifs, il a renoncé au troisième essai. C'est sa deuxième victoire de la saison dans une compétition internationale, puisqu'il avait déjà remporté remporté la première place au championnat en Slovaquie le 14 février en sautant 2,32 m. En mars 2022, Smile Jumper a été sacré champion lors de la finale des mondiaux en salle en Serbie en franchissant la barre des 2,34 m. C'était une première dans l'histoire de l'athlétisme sud-coréen. De ce journal. Merci de votre attention et je vous retrouve dans un instant pour un Guillemotré. C'est où le jour le jour? Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Ces derniers temps, il est de plus en plus courant que les gens payent par carte bleue plutôt qu'en espèces. Il est donc fréquent de ne pas avoir d'argent liquide sur soi et de se déplacer uniquement avec ses cartes de crédit. Dans ce contexte, si on la perd ou qu'on se la fait voler pendant un voyage ou des vacances, cela peut être un véritable désastre. Pas de liquide et plus de cartes pour payer. Que faire dans ce cas? Pour en savoir plus, c'est tout de suite. Alors, en cas de perte de carte de crédit, qu'est-ce qu'il faut faire? Les banques conseillent tout d'abord de ne pas paniquer, car elles ont mis en place des systèmes d'urgence pour faire face à diverses situations. Voici donc leurs recommandations. Premièrement, il est conseillé de souscrire un service de notification par SMS en amont. Grâce à ce service, à chaque fois que vous payez quelque chose avec votre carte, vous recevez un message sur votre téléphone. C'est très pratique, car cela permet d'être immédiatement informé en cas d'utilisation frauduleuse de votre carte. Mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Ensuite, un point très important, si vous découvrez la perte de vos cartes grâce au service de notification, c'est-à-dire si vous vous rendez compte qu'on vous a pris votre carte car des paiements sont faits sans que ce soit vous, il est impératif de le signaler immédiatement. Cela vous permet de bénéficier d'une dispense de responsabilité pour les transactions frauduleuses effectuées jusqu'à 60 jours avant la date de signalement. Mais attention, si vous n'avez pas signé le verso de votre carte, si vous avez divulgué son code secret ou que vous l'avez prêté à quelqu'un d'autre, vous ne pourrez peut-être pas bénéficier de cette dispense de responsabilité. Restez donc sur vos gardes. Deuxième bonne idée, définir une limite du montant de paiement par transaction. Vous pouvez le faire en contactant les centres de service ou en utilisant les applications mobiles ou des sites web des banques. Alors, si vous perdez votre carte pendant votre voyage à l'étranger, que faire? Vous pouvez utiliser le service d'urgence de remplacement de carte de crédit. Vous pouvez ainsi obtenir une nouvelle carte sous 3 jours. Mais attention, puisqu'il s'agit d'une carte temporaire, vous devez la restituer à votre retour et obtenir une nouvelle carte normale. Et vous savez quoi? Tiffen en a fait l'expérience ici en Corée du Sud. En se baladant durant les congés de Solal, elle a perdu sa carte. Alors on vous a fait une petite vidéo pour vous montrer comment on la récupère à la KBS. Retrouvez-nous sur Instagram ou Facebook pour tout savoir. Avant d'enchaîner avec la nouvelle suivante, faisons une petite pause musicale avec une chanson de circonstance. Voici Kunyalul Chajajuseyo, Trouvez-la moi, interprétée par The Name. Oh, do you D'inflation, la tendance à rechercher le meilleur rapport qualité-prix lorsque l'on consomme se répand comme une traînée de poudre. Dans ce contexte, les consommateurs se tournent vers les chaînes de café peu chères qui proposent des boissons à des tarifs plus intéressants. Et Nature Non-Hopcard a publié les résultats d'une analyse des chiffres d'affaires des chaînes de café franchisées de l'année dernière. Cette étude compare les enseignes à bas prix, telles que Mega Coffee et Pec d'Abeng, à d'autres chaînes dont certaines plus onéreuses comme Starbucks et Rollies. Selon ces résultats, les chiffres d'affaires des coffee shops pas chers ont bondi de 37% par rapport à l'année précédente. Cependant, ceux des enseignes chez lesquelles il faut plus dépenser n'ont enregistré qu'une hausse de 9%. La part des chaînes à bas prix sur le marché du café est passée de 23% en janvier 2022 à 37% en décembre de l'année suivante. Comme on peut le constater, elle a beaucoup augmenté. La principale clientèle de ces cafés est constituée de personnes âgées de 20 à 49 ans, représentant 61% des consommateurs. Cependant, les taux de croissance de l'utilisation varient selon les tranches d'âge. Celui des sexagénaires était la plus élevée avec 59%, suivi des adolescents avec 41% et les quinquagénaires avec 43%. Se basant sur ces résultats, Nature Non-Hopcard estime que les prix abordables et l'accessibilité des cafés à bas prix les rendent populaires auprès des étudiants et les seniors. Elle prévoit donc que ce type de café sera apprécié à l'avenir par toutes les tranches d'âge. Et vous, quelles sont les chaînes de café en Corée du Sud que vous connaissez? Répondez à cette question sous notre vidéo dédiée sur les réseaux sociaux. Tiffen vous en montre quelques-unes. Et si l'on écoutait une chanson justement sur le café, voici Kopilul Mashigo, Prendre du café, interprété par Urban Zakapa. Prometteur va donner demain et après-demain un concert au Teatro del Maggio Musicale Fiorentino à Florence en Italie. Il va y diriger l'orchestre de l'établissement. Après, pour la musique a l'air de se partager de génération en génération. En effet, Jongmin est le troisième fils de Jong Myung-hoon, un chef d'orchestre sud-coréen de renommée mondiale. Retour sur sa carrière musicale. En 2006, alors qu'il étudiait à la faculté de musique de l'Université nationale de Séoul, le jeune homme a commencé à diriger l'orchestre Aizo d'un orphelinat situé à Busan. Puis l'année suivante, il a officiellement fait ses débuts en tant que chef d'orchestre. Depuis lors, il a accumulé de nombreuses expériences professionnelles en dirigeant diverses orchestres. En 2015, il est devenu le chef adjoint de l'Orchestre Philharmonique de Tokyo. Depuis 2020, il est le chef principal invité de l'Orchestre Haydn de Bolzano en Italie. Deux ans plus tard, il est devenu le chef permanent de l'Orchestre Symphonique de Gyeongnang. Petites informations concernant l'orchestre du Teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Il a été fondé en 1928, puis a été dirigé par plusieurs célèbres musiciens en tant que directeur artistique, dont Riccardo Muti, Zubin Mehta, Fabio Luisi et Daniele Gatti. Il est considéré comme une des principales formations italiennes aux côtés de l'orchestre de la Scala. Et pour notre troisième pause musicale, je vous propose d'écouter une chanson de Kim Dong-yul, de Concert, le concert. Dernière décennie, le marché de la K-pop a connu une croissance très rapide, surpassant d'ailleurs tous les records. Mais cette année, des inquiétudes commencent à se faire entendre, car les exportations d'albums vers la Chine n'ont pas encore totalement repris. Pourtant, c'est un de ces marchés les plus importants. De plus, une baisse des ventes de certains artistes a été observée. L'année dernière, les exportations d'albums de K-pop ont atteint le niveau jamais égalé de 270 millions d'euros. Il s'agit d'une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Le nombre total d'albums vendus l'année dernière s'est élevé pour la première fois à 110 millions d'unités, soit une hausse de 50%. Dans ce contexte florissant, les 5 premières places du plus grand nombre de ventes d'opus lors de la première semaine de sortie ont été occupées par ce sorti l'année dernière, avec Seventeen en tête. Cependant, des voix doutant de la poursuite d'une croissance rapide cette année s'élèvent. Un responsable d'une grande agence de musique a prédit que les ventes d'albums diminuent cette année, à moins qu'il n'y ait un changement radical du contexte social, politique et économique, en particulier la non-récupération complète du marché chinois et le départ au service militaire de tous les membres de BTS, leader de la K-pop, sont des facteurs négatifs pour l'industrie de la musique pop sud-coréenne. En revanche, certains experts sont plus optimistes. Ils prévoient que le marché des albums de K-pop maintiendra un total de ventes de 100 millions d'unités cette année. Cela sera possible grâce à la diversification de leurs exportations vers de grands marchés mondiaux tels que les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne. Et voilà, c'est le moment de retrouver l'invité du mercredi présenté par Ohayang. Avant de la rejoindre, permettez-moi de partager des commentaires postés sur les réseaux sociaux. Mercredi dernier, c'était la Saint-Valentin. À cette occasion, le service français a reçu un gâteau. Et à la vue de sa photo sur les réseaux sociaux, plusieurs auditeurs et auditrices ont laissé des messages. Nous allons en présenter deux. D'abord, Daniel Elisa a écrit « Trop beau pour être mangé ». C'est vrai que c'était un très joli gâteau en forme de nounours. Ensuite, Christophe Jo disait « Trop mignon ce gâteau, je n'aurais pas voulu le découper, mais il a l'air délicieux ». Nous non plus, on a hésité à le laisser tel quel. En tout cas, merci beaucoup pour vos messages. Allez, écoutons la dernière chanson de cette édition, « Yepuda, tu es jolie », interprétée par Seventeen. couleurs selon les circonstances. Et qu'est-ce qui ne se voit plus dans les rues? Une devinette que Martine Prost, auteur de 80 mots de Corée du Sud, avait proposée pour parler du hanbok, le costume traditionnel coréen. La raison pour laquelle je le réévoque, c'est parce que hanbok n'est autre que le titre de la BD de notre invitée de la semaine, Sophie Dark. Sophie Dark, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Vous rentrez là du Festival de la bande dessinée d'Angoulême. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter ce que vous avez vécu lors de la 51e édition de ce grand rendez-vous des amoureux de la BD? Oui, bonjour. En effet, je rentre tout juste du festival qui était assez dense cette année parce que j'étais dans la sélection. En plus de ça, j'ai fait les dédicaces au stand de mon éditeur, l'Apocalypse. Et donc, il y a eu cette remise des prix où j'ai reçu ce prix spécial du jury. Et voilà, c'est vraiment une super mission pour moi, vraiment. Une de nos félicitations. Merci. ça permet vraiment de faire vivre le livre plus longtemps. Parce qu'il est sorti en janvier 2023. Angoulême n'est pas une ville étrangère pour vous, puisque c'est là que vous avez fait vos études de bande dessinée. Et on peut dire que c'est également ici que le projet hanbok a débuté. Oui, tout à fait. En fait, je suis venue à Angoulême pour faire mes études aux Beaux-Arts, où il y avait une section bande dessinée, elle y est toujours d'ailleurs. J'habitais en province. Mais donc je me suis installée là-bas pour l'école et je suis restée après l'école donc en 2001, je suis sortie d'école et puis après donc en 2003, c'est l'année où une de mes sœurs a retrouvé notre famille en Corée et en 2004, on y est retournées toutes les deux à la découverte du pays et pour rencontrer notre famille biologique. Il est temps d'entrer dans le vif du sujet. En 10 minutes, un quart d'heure, il est sans doute impossible de résumer comment cet ouvrage a évolué au fil des années. Ce que je vous propose donc, c'est de revenir sur les moments ou des personnages décisifs de sa réalisation, à commencer par Chuyeon. Qui est Chuyeon, Sophie? Chuyeon, c'était une amie coréenne qui vivait en France à l'époque et que j'avais rencontrée lors du festival de la bande dessinée en 2004, donc juste avant mon voyage, janvier 2004, et je l'avais rencontrée juste après des éditeurs coréens aussi que j'ai par la suite revus. Et avec Chuyeon, tout de suite on s'est très bien entendu. Et à l'époque, elle habitait à Poitiers, elle était étudiante à l'école d'art de Poitiers, donc elle dessinait aussi. Et on avait tout de suite beaucoup de choses à se raconter. Elle est repartie à Poitiers donc, après le festival, et moi j'habitais en Guyane, donc mais on avait envie de continuer de discuter, surtout sur nos origines, mais plein d'autres choses. Donc vu qu'elle dessinait, on s'est dit on va faire une correspondance dessinée en bande dessinée. Un peu à l'ancienne en fait, par la poste, on faisait nos cartes postales chacun dans notre coin, et puis on les photocopiait et puis on se les envoyait par la poste. En fait on a commencé véritablement à mon retour de Corée, enfin mon retour du voyage en Corée, donc en août 2004, c'est un peu loin. Donc on a fait cette correspondance quand je suis rentrée en résidence à la maison des auteurs à Angoulême. Et en fait, cette correspondance avec Chuyeon, elle m'a aidée à travailler finalement sur mon livre où je voulais raconter mon voyage en Corée. Mm-hmm. Chuyeon a une place importante, c'est vrai, à cette époque-là et pour mon livre. Mais avant les années 2000, vous n'avez jamais eu envie de revenir dans votre terre natale? Alors, pour dire toute la vérité, j'étais très bien. C'est pas une question que je me posais en fait. J'étais pas très curieuse dans mon pays natal. Et tout se passait bien. J'avais beaucoup de choses à faire en France, ma terre d'adoption. Je m'étais pas posé trop de questions. Je savais que je venais de là. Mais c'est pas une préoccupation que j'avais. Peut-être parce que c'est contrairement à beaucoup d'enfants qui sont partis seuls à l'étranger. Vous, Sophie, vous avez eu la chance d'avoir été adoptée avec vos trois sœurs biologiques. Oui, c'est ça en fait l'histoire, c'est qu'on a eu beaucoup de chance d'être adoptées toutes ensemble. Moi je suis la dernière. Mm-hmm. Enfin, avec mes soeurs, on n'a pas beaucoup de différents âges. Et on est très soudés. Voilà. Et parmi les quatre sœurs coréennes, qui a eu le courage de revenir en premier ici en Corée? C'est Virginie. C'est l'avant-dernière. Et qui a, j'en parle dans le livre, elle a le même prénom que, en coréen que cette amie coréenne, donc c'est Chuyon. Et donc Virginie, elle a toujours eu cette volonté, cette curiosité de savoir d'où on venait et qu'est-ce qui s'était passé finalement pour qu'on se retrouve comme ça en France. Elle a des souvenirs très précis. C'est que malgré son jeune âge, parce qu'à l'époque où ça se situe, elle avait entre 4 et 5 ans. Hein. Donc quand ma mère a quitté le foyer, donc elle avait des ma soeur avait des images très précises. Et je pense que c'est ce qui l'a motivée aussi pour retourner en Corée. Enfin, après, elle s'est donné les moyens, elle a eu le courage et elle s'est donné les moyens aussi pour y aller toute seule et pour retrouver tout le monde, toute notre famille biologique. Donc, grâce à elle, bientôt vous aurez dans vos mains les photos de vos parents biologiques. C'est des photos en noir et blanc où ils sont très jeunes. C'était assez curieux, comme si c'était pas très réel. Et en même temps, c'était un choc de retrouver des traits de ressemblance. C'est vraiment très curieux, comme si c'était un roman, mais dont on fait partie. C'est vraiment une fiction. Et puis en fait, on se rend compte que non, c'est la réalité. Et c'est complètement fou de voir surgir des images comme ça du passé. Et c'est en 2004 que vous finissez par venir à Séoul. Votre séjour débute par un rassemblement des adoptés. C'est des organisations internationales pour les Coréens adoptés du monde entier. Donc là, ça s'appelait la Summer Cultural Program. Ils organisaient des premiers retours en Corée, donc pour les Coréens adoptés, avec un voyage organisé en bus, avec, voilà, j'en parle dans le livre, parce que c'est comme des vacances. Oui, des colonies de vacances. Voilà, c'est des colonies de vacances où tout est organisé, où on nous montre vraiment des choses très belles et les meilleures choses du pays. Et on se retrouve comme ça en groupe, on vient de plein de pays différents. Donc c'était assez amusant cette première semaine. Et en même temps, chacun portait leur histoire. Et toi, membre de Racine Coréenne? Maintenant, si. À l'époque, non. Mm-hmm. Et maintenant, si. Et c'est vrai que c'est super. Hein. En fait, je prends des cours de coréen par ce biais-là. Mm-hmm. Et sinon, maintenant, je connais plus d'adoptés coréens comme moi en France et on se retrouve, on mange ensemble. Et je pense que c'est aussi, je suis plus prête maintenant aussi. Mm-hmm. Peut-être que après cette expérience, ça m'a un peu plus ouvert ce que je vois, c'est que c'est des expériences très très différentes. Puis est venu le jour de votre rencontre avec l'une de vos kumos, votre tante paternelle. Alors en fait, du côté de mon père, il y a 3 tantes et 2 oncles qui sont plus jeunes. Mm-hmm. Et c'est vrai que les tantes, les kumos, dans notre histoire, en fait, elles étaient vraiment plus présentes parce qu'elles étaient un peu plus âgées que mon père biologique. Mm-hmm. En les voyant, en les rencontrant, j'ai vu qu'elles étaient bouleversées parce qu'elles elles m'ont reconnue, elles ont vu des traits de leurs frères. Enfin, les oncles, voilà, toute la famille biologique du côté paternel ont vu leur frère, donc mon père biologique, qui est décédé depuis longtemps. Et ça, on le savait. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que mes oncles et tantes étaient bouleversés par ça aussi, parce qu'ils voyaient, je ressemble beaucoup à mon père. Et puis toute notre histoire, voilà, qui a remué tout le passé très douloureux pour nous. Et enfin, le grand jour de retrouvailles avec votre mère biologique est venu. Pendant ce voyage, je suivais ma sœur qui avait tout organisé. Et j'étais très un peu naïf, un peu légère. Et je ne me rendais pas trop compte finalement de ce que ça impliquait de rencontrer ma mère biologique. Évidemment, c'était très fort, mais je pense que j'ai réalisé plus après coup et en travaillant sur ma bébé. en revivant finalement la scène et peut-être avec un peu plus de maturité, peut-être avec plus de compréhension aussi des sentiments qu'elle pouvait avoir, et tout en pensant à mes sœurs aussi, parce que sur le moment, en fait, pour moi, c'était une étrangère. Bien sûr, j'ai vu, il y a quelque chose de très fort, très physique qui s'est passé. Elle m'a pris dans les bras, ça me touchait beaucoup. Je trouvais ça normal, mais j'avais peur qu'elle s'imagine que je lui fasse des reproches ou des choses comme ça. Comme je disais tout à l'heure, c'est que je considère que j'ai eu beaucoup de chance et qu'en fait, s'il y a eu cette histoire, si elle est partie, si elle a abandonné ses enfants, c'était pas pour rien. Et j'avais envie de lui dire que je comprenais ça et qu'en fait, c'était qu'elle n'avait pas à regretter quoi que ce soit et qu'on était en bonne santé. Si ça pouvait la rassurer quelque part, ben voilà, c'était l'occasion. En fait, c'est ça que je raconte dans la bande dessinée. C'est peut-être justement des choses qui sont plus difficiles à raconter par seulement des mots. Et peut-être c'est pour ça aussi que j'ai raconté cette histoire en images et en bande dessinée. Bande dessinée, justement, votre père Roger n'a malheureusement pas pu voir la publication de Hambourg. Mais qu'a dit votre mère ? Elle l'a lu plein de fois et puis elle a pleuré. Elle est vraiment heureuse parce que elle sait que c'est une bonne chose. Mais elle le savait depuis longtemps. Mon père aussi. J'ai commencé ce projet il y a très très longtemps. Mes parents m'ont toujours encouragée dans la bande dessinée, dans ce que j'avais choisi. Donc voilà, ils connaissaient l'histoire et elles étaient. Je parle aussi de mon père. Le beau paysage du musicien légendaire Sun Jung-hyun que ceci a choisi. Une question que j'ai voulu vous poser depuis le tout début, mais garder pour la fin. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à vos lecteurs à travers cette œuvre ? Moi, ce que j'essaye de montrer, et j'espère que ça marche, mais c'est que je n'accuse personne. Si on est on s'est retrouvé toute seule, c'est pas une seule personne, c'est pas quelqu'un de mauvais. C'est toute une situation politique, économique qui a donné ça, qui retombe sur les individus. C'est une violence vraiment sociétale qui est encore très présente dans plein de pays. Pourvu que ce message passe. Et merci Sophie pour cet entretien. Et nous vous disons à très vite pour le tome 2. D'accord, merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette édition de C'est en l'air. Bonjour, c'était Maxime, Allo Micro, Paul Johnson à la rédaction et Kim Hong-joo à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellente soirée à tous. Dans le cadre de la nouvelle programmation, nous vous invitons à réviser du lundi au jeudi les expressions de notre cours de coréen avec le drama Le Bon Docteur. Cette série médicale met en scène les efforts et l'amour de spécialistes en pédiatrie dans un hôpital universitaire, notamment interprété par Cho Won et Boon Tae-won. Nous aborderons deux numéros par jour qui ont été diffusés pour la première fois sur nos ondes en 2016 pour que vous puissiez les connaître par cœur. Vous pouvez toujours regarder les extraits sur le site dans la rubrique Amiens Azéo. Bon apprentissage. Bonjour. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour votre émission de Coréen. Et nous allons à présent découvrir le 7e extrait qui est tiré du 10e épisode de la série. Oui, et tu nous as laissé entendre que Park Si-hoon, celui qui est le bon docteur dans notre drama, est présent dans ce passage. Tout à fait. Tu te souviens que la semaine dernière, Sa-hyun-so faisait une opération délicate sur la gorge d'un enfant qui souffrait à force d'avoir trop poussé sa voix. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, Kim Do-han avait dit aux parents qu'il y aurait une forte possibilité qu'il ne puisse pas rechanter. En effet, c'est ce qui avait empêché les parents d'accepter une telle opération. Mais Park Si-hoon avait finalement réussi à convaincre la mère que c'était pour le bien de son fils et qu'il y avait tout de même une chance qu'il puisse rechanter. Et alors, comment Sa-hyun-so s'en est sorti en fin de compte? Eh bien, tu te rappelles que c'est Park Si-hoon qui l'a fait durant l'intervention. Il a réussi à voir, comme ça lui arrive souvent, que c'était possible de ne pas toucher les cartilages du larynx, la glande thyroïde, et que le petit garçon pourrait ainsi continuer de chanter comme avant. Ah, mais c'est une excellente nouvelle! Et c'est ce qu'elle a réussi à faire? Oui, et c'est suite au succès de cette opération que Kim Do-han annonce que Park Si-hoon peut rester comme résident dans l'hôpital Sangwon. C'est génial, il est enfin reconnu pour son talent. Enfin, et la décision vient de tout en haut, hein, du vice-directeur de l'hôpital, Kang Jian-tae, qui voit en Park Si-hoon un excellent moyen de faire valoir la qualité du service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital. Eh bien ça, c'est une surprise, lui qui était à deux doigts de renvoyer Park Si-hoon à cause de la pétition envoyée par quelques parents mécontents. Oui, mais c'est très politique comme on l'a vu, et cette décision de garder Park Si-hoon a été prise conjointement avec le directeur de l'hôpital, Choi Woo-seok, en échange d'un service. Bref, pour le moment, en entendant la nouvelle, Sa-hyun-so et les autres internes sont bien contents, comme vous allez pouvoir le constater. Avec joie, n'est-ce pas, Lou? Oui, ça fait vraiment plaisir de les voir ainsi contents que Park Si-hoon reste parmi eux. Enfin, de la reconnaissance pour ses capacités. Alors, réécoutons tout d'abord ce que dit l'un des internes, Hong Il-nam. Ah ça, ça y est. C'est une expression que j'ai déjà entendue. C'est vrai qu'on l'entend de temps en temps. D'ailleurs, c'est notre expression de la semaine. C'est plutôt une interjection. Ça exprime la satisfaction pour quelque chose qui vient d'être décidé ou de se passer et pour lequel on est content. Si je te dis que demain, on n'a pas besoin de venir travailler, tu pourras dire ah ça. Très bien, je vois que tu as compris. Alors, nous avons traduit par ah ça y est. Et alors, écoutons la suite pour mieux comprendre pourquoi. Je suis enfin libéré des appels de nuit. Je comprends, c'est parce qu'il est de garde et c'est Park Si-hoon reste, il va pouvoir le remplacer la nuit. C'est exactement ça, et c'est pour ça que l'expression peut être comprise ici comme ça y est, c'est quand même assez intéressé de sa part. Vous écoutez actuellement la rediffusion de notre cours de coréen à Nyeonghaseyo. Nous continuons tout de suite avec notre deuxième numéro de la journée, extrait du drama Le Bon Docteur. Bonne écoute. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission de Coréen. Nous allons continuer aujourd'hui à découvrir notre extrait de la semaine avec les docteurs et internes du service de chirurgie pédiatrique, soit avec quoi, qui félicite Park Si-hoon parce que la direction a décidé de le garder dans l'hôpital. Ce qui était bien mal parti, puisqu'il y avait même une pétition de parents d'enfants hospitalisés qui avait demandé à la fondation, au tétan de l'hôpital, de le renvoyer. Cela aurait été en effet bien injuste. juste, car toutes ses interventions sur les enfants en état critique se sont avérées justes. Son propre entourage est content qu'il reste, et plus particulièrement sa Yunsor, qui devient de plus en plus proche avec lui. J'ai l'impression, moi aussi, qu'elle le protège de plus en plus. Tu as raison, et il est très sensible, comme nous le verrons bientôt. En attendant, retrouvons l'extrait qui se déroule juste après que Kim Doran a annoncé que Park Seon pouvait rester, pour le moment, comme interne. Claire, ils sont très contents de la nouvelle, et particulièrement Hong Il-nam, qui s'exclame en disant « Oui, ah ça, c'est l'expression de cette semaine que nous avons expliquée hier, qui est une sorte d'interjection exprimant un contentement. « Ah, ça y est, ah, super, Et répétons pourquoi cet interne est si content. Tu veux dire « Kroulisan Hebangida » Je suis enfin libéré des appels de nuit. Il parle ici, hein, bien sûr, de ses gardes de nuit, puisque Park Seon va pouvoir prendre le relais. Alors, on a tout d'abord l'adverbe Teddy O, qui a le sens de enfin, finalement. Ce travail est enfin terminé, se dira Louis. Teddy O, il est que Nassoyer va très bien. On veut en effet dire travail, et nada, c'est le verbe finir. Teddy O, il est que nada. On a ensuite roll, hein, qui est un anglicisme pour dire appel, et heban signifie la libération. Est-ce que c'est le même mot que l'on utilise pour un pays qui est libéré? Bien sûr, on dira pour la Corée qui a été libérée de l'occupation japonaise en 1945, Palwol Shiboil Heban, qui correspond donc à la libération du 15 août 45. On dit aussi Gwangbok. Alors, Hong Il-nam est littéralement libéré de ses astreintes de nuit. Écoutons la suite. Ya, Iltan Oba est d'abord sur ton dos. C'est Cha Yun-so qui demande à Park Seon d'abord de se pencher en avant. Iltan est un adverbe qui donne le sens de d'abord, dans un premier temps. C'est comme Uson ? Oui, ce sont des synonymes. Uson ou encore Monjo. Et Opta est un verbe qui a le sens de renverser, mettre à l'envers. En l'occurrence, Seon va pencher sa tête en avant pour présenter son dos à ses collègues. Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Écoutons la suite pour le savoir. Alors là, ce sont tous ses confrères qui répètent la même chose. Renversez-le, penchez-le. Et ensuite, on les entend dire « Indian Pap », qui n'est pas vraiment traduisible. Rire à l'indienne ? Oui, si tu veux. Mais pourquoi ils font ça ? Bon, c'est un jeu que les enfants font souvent. Celui qui a perdu peut avoir un gage. Dans ce cas, il se penche en avant et on lui donne des petites tapes sur le dos. C'est assez puéril. C'est pour ça que c'est un peu drôle dans la circonstance que ce soit des docteurs qui fassent ça. À toutes et à tous pour cette nouvelle édition de Trait d'Union. Chaque mercredi, nous mettons en lumière ce qu'il se passe dans la péninsule coréenne et dans ses alentours. Vous êtes en compagnie de Sven Genetier. Dans ses premières années au pouvoir, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a régné d'une main de fer. Mais son style de gouvernance est en train de changer. Décembre 2023, la Corée du Nord organise un congrès national des maires à Pyongyang. C'est la première fois en 11 ans. Lors de cet événement, l'actuel dirigeant du pays est filmé en train de pleurer alors qu'il écoute les rapports d'un secrétaire du parti. Une scène surprenante dont les médias étrangers s'emparent alors largement, s'interrogeant sur la signification de ces larmes. Aujourd'hui, avec Cho Han-bom, chercheur principal à l'Institut coréen pour la réunification nationale, nous allons essayer de comprendre comment Kim Jong-un utilise l'émotion, car pour lui, c'est aussi et surtout une stratégie politique. Pour sa première sortie publique de 2024, le dirigeant a choisi d'assister à un spectacle du Nouvel An au Palais des Enfants de Mangyongdae dans la capitale. cours de l'événement, le leader nord-coréen a fait preuve d'un manque d'affection à l'égard de la future génération du pays, caressant les joues des garçons et des filles et en les embrassant sur le front. Depuis son arrivée au pouvoir, Kim Jong-un a beaucoup soutenu la jeune génération, comme en témoigne notamment le projet de centrale électrique pour les jeunes du mont Baekdu. Devenu dirigeant très jeune, avant 30 ans, il semble avoir accordé une importance particulière à la jeunesse qu'il a de fait considérée comme sa base de soutien. Et au fil des années, il s'est forgé une image de parent aimant afin de contrebalancer celle de dirigeant brutal. Bien qu'il ait poursuivi la stratégie de militarisation de ses prédécesseurs, il a aussi su jouer un rôle de parent bienveillant qui se soucie de la génération future. Lors de la célébration du Nouvel An, Kim Jong-un a de nouveau joué la carte de l'émotion. En effet, il a une fois de plus serré dans ses bras les enfants montant sur le podium pour lui offrir des bouquets de fleurs. La télévision centrale nord-coréenne a aussi diffusé une vidéo le montrant en grattant sa petite jouée sur la joue pendant le spectacle. Mais le dirigeant nord-coréen joue sur l'émotion de bien d'autres manières. Certes, il le fait lors de ses démonstrations d'affection, mais il le fait également dans beaucoup d'autres domaines. Kim Jong-un a assez souvent été vu pleurant en public. Lors d'un discours prononcé à l'occasion d'une parade militaire marquant l'anniversaire de la fondation du parti, il a essuyé des larmes devant des dizaines de milliers de citoyens de Pyongyang. Il a aussi pleuré lors de la conférence nationale des maires et lors des funérailles de Hyun Chol-hae, ancien conseiller du ministère de la Défense. On l'a ainsi vu verser des larmes une dizaine de fois dans divers reportages ou lors d'événements publics. Ces scènes de pleurs du dirigeant ont été montrées à de nombreuses reprises par les médias nationaux. En décembre 2011 déjà, on le voyait pleurer lors des funérailles de son père, l'ancien dirigeant Kim Jong-il. Ans plus tard, 2015 à présent, à l'orphelinat de Pyongyang, Kim Jong-un avait assisté à un spectacle du Nouvel An mis en scène par des enfants. Là aussi, il avait pleuré. Troisième exemple, 2020, lors d'un défilé militaire commémorant le 75e anniversaire de la fondation du Parti des Travailleurs. L'actuel dirigeant a laissé parler son émotion. On l'a vu enlever ses lunettes pour essuyer ses larmes lors de son discours. Cette attitude affichée contraste donc, vous l'aurez compris, très fortement avec la rudesse et la cruauté avec lesquelles il a traîné jusqu'à présent. L'ancien leader Kim Jong-il est décédé le 17 décembre 2011. Deux semaines plus tard, son fils Kim Jong-un se voit nommé commandant suprême de l'armée. En 2012, celui-ci assume tous les postes de direction du parti et du cabinet et fait exécuter la même année Lee Yong-ho, le chef d'état-major de l'armée populaire de Corée, alors l'une des personnalités militaires les plus influentes. L'année qui suit, en décembre 2013, c'est au tour de son propre oncle Jang Song-taek d'être exécuté, puis celui du chef de l'armée populaire, Hyun Yong-chol, en mai 2015. À cette date, pas moins de 200 personnes ayant le rang de vice-ministre ou plus élevé ont été exécutées. Si l'on inclut celles de niveau inférieur, ce nombre s'élève à plusieurs milliers. Au cours de ses premières années, ne disposant pas de solides assises sur lesquelles établir son pouvoir, le jeune leader considérait les personnalités influentes passées comme de potentiels opposants politiques et les éliminait au moyen de purges sanglantes. En février 2017, le demi-frère du dirigeant Kim Jong-nam a lui aussi été assassiné en Malaisie. Toutes ces exécutions contribuaient à donner de Kim Jong-un l'image d'un dictateur cruel et impitoyable. Fin 2011, Kim Jong-un est nommé commandant suprême de l'armée populaire de Corée. Par la suite, il renforce son assise grâce à ce que l'on a appelé le règne de la terreur. À la mort de Kim Jong-il, le chef de l'armée, Lee Yong-ho, devient la principale figure militaire du pays et par conséquent la première victime du jeune leader. Et il n'est pas le seul, il y a quatre hauts responsables militaires. Parmi eux, Kim Jong-gak, Kim Yong-chun et Woo Dong-chok qui ont escorté avec Kim Jong-un le corbillard de son père. Tous sont par la la suite été écartés ou relégués à des postes mineurs. Deux ans plus tard, 2013, Kim Jong-un fait exécuter son puissant oncle et vice-président de la Commission de Défense Nationale, Jang Sung-taek. Mais fait important à préciser, il était considéré comme le numéro 1 du pays. Second assassinat, encore plus retentissant, celui de son demi-frère Kim Jong-nam, empoisonné à l'aéroport international de Kuala Lumpur en Malaisie. Kim Jong-nam은 최근 말레이시아 공항에서 독심을 맞고 숨진 것으로 전해졌습니다. Durant cette période, les exécutions et les purges se poursuivent en Corée du Nord et à un rythme tel que Kim Jong-un est qualifié de dictateur cruel. Mais alors, pourquoi les médias nord-coréens ont-ils commencé à révéler les scènes de pleurs du dirigeant ? 특징만 가지고는 독재가 유지가 되지 않습니다. Une dictature ne peut être maintenue uniquement au bâton. La carotte est elle aussi nécessaire. La terreur et la propagande restent les deux éléments indispensables au maintien du régime nord-coréen. La cruauté et l'extrême fermeté permettent de terroriser la population et de la garder sous contrôle. Mais cela ne peut durer indéfiniment. Le règne de la terreur a ses limites. Kim Jong-un se voit donc contraint d'atténuer cette image afin d'imprimer celle d'un dirigeant respectueux et paternel. Les larmes font partie d'une stratégie de gouvernance basée sur l'émotion. Et cela contraste avec le style impérial de son père et de son grand-père. Kim Jong-un a adopté une approche plus humaine, faite de compassion et d'empathie. Son objectif, gagner le cœur du peuple. Ces larmes, en quelque sorte, se débarrassent de son image de tyran cruel. Elles mettent plutôt en avant un leader compatissant qui prend soin de son peuple. Notons d'ailleurs que, au-delà des larmes, il admet aussi volontiers ses échecs et ses erreurs dans l'administration de l'État. Un exemple de 2007 à présent, discours du Nouvel An. Kim Jong-un se reproche une mauvaise gestion du pays. Jamais auparavant, un dirigeant nord-coréen n'avait fait un tel aveu à la télévision. Il reconnaît littéralement ses propres fautes devant la population. Mais alors, pourquoi, à la différence de ses prédécesseurs, choisit-il de mettre un terme à l'infaillibilité de sa fonction ? Kim Il-sung의 경우에는 Le fondateur du régime, Kim Il-sung, disposait d'un atout politique en tant que résistant et combattant contre l'occupant japonais. Son fils, Kim Jong-il, est devenu l'héritier présomptif en 1974 et a consolidé son assise pendant 20 ans, jusqu'à la mort de son père en 1994. En d'autres termes, il a disposé d'assez de temps pour établir une base solide, ce que n'a pas eu son fils et dirigeant actuel Kim Jong-un, qui n'a eu comme seule légitimité politique celle d'être le fils de Kim Jong-il. Dans ces circonstances, il était important d'exhiber un bilan économique positif, ce qu'il n'a pas pu faire, et donc en admettant les défaillances du pouvoir, il a essayé de colmater les brèches. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il en prend toute la responsabilité. En août 2023, il s'est rendu dans une zone touchée par les inondations et a âprement critiqué le Premier ministre Kim Dok-hoon pour n'avoir pas réussi à prévenir les dégâts, appelant à de lourdes sanctions à son encontre. Ainsi, le message de Kim Jong-un était de dire que lui, le chef suprême, travaille dur et avec sérieux, ce qui n'est pas le cas de ses fonctionnaires, c'est pourquoi il a le cœur brisé et se fait des reproches. De nombreux observateurs estiment que ce mea culpa est en effet d'abord motivé par une intention politique. Août 2023, Kim Jong-un visite un rivage dévasté par les inondations et s'en prend au Premier ministre Kim Dok-hoon. Son objectif ici, promouvoir son image de bon dirigeant au service du peuple et dans le même temps rejeter sur autrui la responsabilité de la mauvaise situation économique, par exemple les pénuries alimentaires. Malgré cela, il reconnaît que des erreurs ont été faites et il pleure en public. Une première pour un dirigeant nord-coréen, mais une question demeure. Cette façon de diriger le pays par l'émotion peut-elle réellement apporter à Kim Jong-un le soutien psychologique de ses habitants ? 한두 번의 효과가 있을 수 있죠. 그러니까 Cela peut fonctionner une ou deux fois. Mais s'il en fait une habitude, sa sincérité sera remise en question. Kim Jong-un a pleuré si souvent qu'il est difficile de savoir s'il était honnête. Cela peut avoir l'effet inverse et donner de lui l'image d'un dirigeant faible, incapable de contrôler ses émotions et manquant de sincérité. Aujourd'hui, il semble que son autorité soit sapée. Il est possible que les pleurs de Kim aient fait impression, mais s'il continue sur ce registre larmoyant, il pourrait finir par s'attirer les foudres de la population. Alors, pour 2024, à quoi pourrait-on s'attendre? De la terreur ou de l'émotion? Alors que le développement des armes nucléaires du régime nord-coréen a atteint un certain niveau, l'économie nationale est au plus mal. Le pays a annoncé son plan de développement régional 20x10 qui prévoit la construction de nouvelles usines dans 20 comtés chaque année au cours de la prochaine décennie. Pour souligner la nécessité de cette mesure politique, le dirigeant a déclaré que les régions locales de la Corée du Nord sont sous-développées par rapport à d'autres pays et que la nourriture et les produits de première nécessité n'y sont pas correctement fournis. Et si les citoyens de Pyongyang semblent mener une vie plutôt décente, ils n'ont pas d'armes dans les zones rurales et à la périphérie de la capitale où le niveau de vie des habitants est désespérément bas, ce qui se traduit par une inquiétude grandissante au sein de la population. C'est pourquoi Kim Jong-un s'efforce d'apparaître comme un dirigeant plein d'empathie, prêt à servir son peuple et à se dévouer à lui corps et âme. D'autre part, le pays a promulgué deux nouvelles lois prévoyant un contrôle plus strict de la population, telles que la loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang et la loi contre la pensée réactionnaire qui prévoit une peine d'exécution pour les contrevenants. Kim Jong-un devrait donc continuer à diriger le pays d'une main de fer en faisant régner la terreur tout en promouvant son image de dirigeant bienveillant. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci également à Simon Lenné pour la rédaction, à Christophe Duvert pour le doublage et à Pierre-Antoine Omanet. Nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien à l'écoute de KPS.